C'est bon, c'est plus. Je sais pas. Il était pas là, lui. Attends. Je te raconte quoi, de toute façon? Papa, je traîne, seul, je perds. Rien ne va plus, j'ai le croupier dans le viseur. Est-ce que je récupère? C'est qu'un tiers R. Je suis pas trop streamé dans le bloc pendant 10 heures. Et où sont mes potes? Le bon temps me manque. Je vais péter un plomb, j'ai la street sur l'épaule et ma petite sur les côtes. Je suis fidèle, mais bon, je peux pas quitter mes tours. Quitter mes tours. L'odeur du cash, dans la peau, le diable m'a laissé le 22. Je suis perdu, papa, je t'avoue, j'ai un vie, ma face c'est la femme douce. Y'a rien à boire, des chiens qui restent m'abattre. Qu'ils viennent par là, y craignent qu'elle va faire un carnage. Moi tout ce que je veux c'est m'en sortir. Baba, ils veulent pas. Ils pourront jamais me détruire. Bonhomme comme Baba. Moi je n'ai pas de grand dans la tête. Je n'ai que toi, Baba. Le gaz là, je suis Kabil. Baba, ils nous. Et je prends le temps, le grand Kabil. J'en fais tourner, tourner comme mon pilon. Je suis dans tous les coups, je suis là tous les jours. Et à tous les coups, c'est moi qui ai tout. J'ai tourné, tourné comme ma pile. J'ai tourné, tourné comme mon pilon. J'ai tourné, tourné comme mon pilon. La misère et les cœurs ne me rendent pas. Dans la tête, il me passe. Et d'où je viens, je n'oublierai pas. Tous les sommes que j'avais en démasque. Je vais mourir, pour mes principes, je suis un vicaire. La suite, je la connais bien, je suis un sans face. Ce que j'ai retiré, je ne m'étirerai pas. Je suis un grand garçon, même pas maman, je pleure pas. Je vais pleurer mes ennemis. Et sur la flèche, j'y vais là. J'fais la fraîche comme tout un radin. Moi tout ce que je veux c'est m'en sortir. Baba, eux ils veulent pas. Ils pourront jamais me détruire. Bonhomme comme Baba. Moi j'n'ai pas de grand dans la street. J'n'ai que toi, Baba. Le gaz là, je suis capable. Baba, baba, baba. Je tourne, tourne dans ma ville. J'en fais tourner, tourner comme mon pilon. J'suis dans tous les coups, j'suis là tous les jours. Et à tous les coups, c'est moi qui y plonge. J'ai tourné, tourné dans ma ville. J'en fais tourner, tourner comme mon pilon. J'ai tourné, tourné dans ma ville.